Une grosse semaine, hein? Oh, mon, moi, je me sens comme une flatulence au niveau cérébral, là. On est bon pour une bonne émission, là, mais avant tout, pourquoi pas un message sur les doigts, là? Comment ça, un message sur les doigts? Ben oui, on m'a dit que ça fait du bien, tu vas voir, ça relaxe, on se sent comme emporté. Comment t'appelles ça, toi? Un message sur les doigts. Ben voyons donc, ben je vais remettre ça, un message suédois. Suédois. Suis orteils, ça fonctionne pas. Mais non, pas sur les doigts, mais suédois, la Suède. C'est un beau tissu, ça, là, mais ça colle quand t'es... Moi, j'ai échappé du maranel, du brastanel, comment t'appelles ça? Non, mais c'est du caramel, c'est ça. T'as tout à raison. Ben, moi, je suis plus intelligente que toi, moi, là. Ben, voyez, je suis allé à grande école. Oh, pas celle de la vie. Comment toi aussi? Non, moi, je me suis endormi à l'université entre le professeur de philonomie. Non, mode, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Ah, ben, lui, il m'a nominé. Il disait, je vais vous apprendre tant de choses que vous aurez toute une vie à digérer, puis encore quelques-uns resteront congestionnés. Ils auront besoin de messages sur les doigts. Ben, voyons. Es-tu certaine d'avoir tout saisi sa teneur psychologique? Ben, il était pas très psychologique, lui. Il était philosophique. Oh, vaporeux. Comme un nuage, là. T'essayais de l'attraper, t'étais pas capable. Es-tu sûr que c'était un vrai? Un vrai quoi? Ben, ouais, un vrai professeur. Moi, tu sais que dans le désert du Dramana... Toi, t'es une sérieuse, toi. C'est le désert du Sahara. Ben, un désert. Tu sais, c'est quoi un désert? Ben, ça, c'est après un bon repas. Moi, je mangerais bien un bon désert. Mais... Avec ben du sable pis des dromadaires. Oh, mon Dieu, sur le bord de la corde vocale. La quoi? La corde vocale. Hey! Crois-tu qu'on va pouvoir se rendre jusqu'à la saison prochaine? Ben, à la prochaine. On va tenter, là, de. Voyons donc, comment ça, toi, tu veux pas partir? À qui tu parles? Au chronomètre? Ben, là, les gens. Ben, c'est pas les gens. Les gens sont bien gentils, les gens. Lesquels? Ben, les gens qui nous écoutent. Ah! Sont indulgents. Ah, ben, moi, là, j'appelle plus ça l'indulgence, moi, là. C'est qu'ils veulent savoir jusqu'où tu vas déraper. Mais ça me fait penser, là, ben, pas trop, parce que je réfléchis plus que je pense. Mais... Ouais, on le sent dans ton discours. Ouais, hein? Ça sent le brûlé, Jeannette. Arrête donc ta sauce à spaghetti. Ben, on m'a dit de brosser jusqu'à 2h15 du matin. Tu seras pas capable, t'as pas le bras. T'as pas le bras pis t'as pas la tête. Parce que le bras va avec la tête. Si ta tête dit pas, arrête, t'arrêteras pas. Tu veux dire que j'ai été hypnotisé? Ah, peut-être par le grand Mostramanus. Ah, mais celui qui prédit la fin du monde en 2012. Mais non, ça, c'est les grands maillets, ça, là. Les maillets. Il faut être un méchant moineau pour te dire qu'en 2012, c'est la fin. Avant d'avoir une fin, comme je le dis depuis le début, il faudra avoir un début depuis que je le dis vers la fin. Ah, ben... Peux-tu répéter? Ça me mêle un peu comme les enveloppes, en France, là, ils avaient les enveloppes de Mme Bécancourt, là, celle la multimillionnaire, là, qui savait même plus quoi faire avec son argent. Elle voulait tellement en distribuer. C'était comme la... Comment tu l'appelles, donc? Robinson, non pas Robinson Crusoe, celui qui donnait, là, Robin des Bois. Oh, Robin des Bois. Ça, c'est un méchant. Un méchant gentil. Ah, comme les gentils méchants. Comment vas-y, les aimer? Un mal de tête, ça. Non, mais c'est... Reviens à Robinson. Pas Robinson, à l'autre, là. À Robin des Bois. Ben oui. Robin des Bois, là, c'est comme Madame Bégancourt. Elle a distribué des enveloppes à tout le monde. Là, ben écoute, je voudrais me présenter dans votre ministère, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ben, voulez-vous une petite enveloppe? Ah, avec plaisir. Ben, au Québec, ça s'est rendu jusqu'ici. Ils ont pris sans doute le bateau parce que ça a pris des mois et des mois et des mois, mais on les a ici, les enveloppes! Fait que dans le sillon municipal, on transige avec des enveloppes. Et dans les sentiers urbains, là, dans le secteur chaud de la ville de Québec, comme dans tous les secteurs chauds, on transige des petits sachets! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Des sachets! S'achètes-tu? Ça s'achète? Ça s'achète! Avec quoi? Avec de l'argent! Les enveloppes! Il y a de l'argent!

et rigoler, rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire, faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Effectivement, les gens qui n'ont pas d'humour, comme le disait mon ami scénariste et humoriste, celui qui écrivait pour Pierre Desproges, mais j'ai pas son nom, malheureusement, là, ici sous la main. Mais je l'ai peut-être... Attendez-moi 30 secondes. Hein? On n'a pas le temps, 30 secondes, c'est déjà trop long. Est-ce que c'est Jean-Marie Porga? Non, mais non, Jean-Max Bruno. Je sais-tu, moi, Jean-Max Bruni, hein, messieurs. Comme il dit, c'est les gens qui n'ont pas d'humour... On s'en va loin. On s'en va très loin. Moi, je me disais que peut-être qu'on pourrait s'éloigner davantage. Pour atteindre quoi? Ben, comme disait l'autre, là, oh non, pas l'inaccessible, l'inaccessible pépoil. Ouais, l'inaccessible à poil, là, c'est pas très beau. Ah, oh, ouais, non, mais tout le monde n'est pas toujours très beau, mais il faut voir les côtés les plus... Et si vous avez tellement raison. Oui, les plus... Oui, oui, et plus. Plus on épluche, plus on trouve le cœur. Oh! Et le cœur, c'est la sensibilité. Oh! C'est l'essentiel. Oh! C'est tout ce qui est vivace et que l'on doit prendre en considération. Oh! C'est beau. Hey, vous devriez partir une religion. Ben moi, c'est déjà hein, le mouvement rénaldien. Oh, que ouais. Ouais, ben ouais, comme vous dites, ouais, ouais, ouais. C'est exactement ça. Est-ce que je peux me rapprocher de votre micro? Ben là, ça c'est mon micro. Oui. Est-ce que je peux me rapprocher? Ouais. Est-ce qu'on peut monter le son pour monsieur? Version cathédrale. Merci. Oh, ça c'est. Voici venir le temps des cathédrales. Oh, c'est mon Dieu. Ça me rappelle une chanson de Diane Dufresne. Ça ressemble un peu à ça. J'habite au 20e étage d'un building. Et c'est votre sauté, oui, j'ai sauté. Alors oui, c'est ça. Mais alors, le mouvement rénaldien, c'est très simple. Mes frères, mes sœurs, mais non déterminés par la nature. Comment? T'es quoi? Mais non déterminés par la nature. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, des gens qui savent plus, qui savent pas, qui s'imaginaient que, puis qu'ils ne sont pas que, ils ne sont pas que des que! Non, ils ne sont pas que des que. J'ai dit des que, ben oui, t'as dit des que, fauchez-vous pas, vous là, là. Ben, tu te fauches tout seul, c'est vrai. Alors, nous aimerions, en ce beau vendredi, vendredi du 26 novembre 2010, vous invitez à vous joindre sur Facebook, Rita, fesse-le pas, là. C'est un pauvre homme, là. Il n'a pas eu toute l'intelligence lors de sa naissance, tu le vois bien. Donne-lui des élans de charité intellectuelle, là. Il essaye, il pompe, mais il peut pas partir. Il est en première vitesse, puis il voudrait tellement rouler. Mais il est à pied, lui, là, là. Bon, il marche à pied. Simplement sans me dresser, je marchais à pied, à pied. J'ai été sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas pressé en marchant à pied, à pied. Monsieur, ça tourne, ça tourne et ça s'appelle la terre. Ça tourne et ça se fout bien de la misère, ça c'est vrai. Ça tourne une java chimérique, c'est ça. Là, attention, là. Depuis des années, je te suis à la lettre et je sens que ta diction n'est pas très bonne. Alors, tu voulais dire un chaman, mais c'est une java. Et là, c'était le chimérique. Alors, c'était une java chimérique. C'est pas une java chimérique. OK. Je prends une Java chimérique. Excellent. On est, ça sonne et on appelle ça la musique. Ding dong. Oui, allô? Oui, monsieur Thibodeau, comment ça va? Ah, ben moi, écoutez, là, je pensais pas assister à votre émission ce soir parce que je me suis levé un petit peu en retard. Ah, ben voyons, vous vous êtes couché. Ben, à mon âge, hein, on dort quand on veut, puis on dort où on veut. OK, à quel endroit vous êtes endormi? Bon, c'est gênant d'en parler ici à la radio. Ben non, vous êtes à CKRL. Ben, c'est une radio, effectivement, une radio rénovée, des nouveaux, un nouveau micro, une nouvelle console, une nouvelle manette. Je pense qu'ils ont fait affaire avec des spécialistes comme d'habitude. Là. Ça sent l'amour de son public, parce que si vous sentez pas... Si vous ne voyez, si vous n'entendez pas voir, on est à la radio. Sauf les gens qui sont curieux et qui nous regardent à Errance Rénaldienne version vidéo pour la première fois. Attention, c'est en. En quoi? C'est en. HD! HD! HD 3183, bougez pour vos cartes, bingo! Non, c'est HD Haute Definition. C'est pas vrai. En Dolby Surround Digital. Dans le sens quoi? Again, surround. Oh, elle s'appelle Conception. Elle a pas besoin d'émotion. Il avait un fils en prison parce qu'il jouait trop bien du gant. Conception. Son frère s'appelle Ramon. C'est un vrai démon. L'avez-vous vu sous le jupon? Des sœurs qui se questionnent. Et le s'appelait Conception. Ah. Il avait besoin d'émotion. Il avait son frère toujours en prison. Deux en prison, oui. On appelle ça un manque de locomotion. Belton. Et voilà, Surround Digital Dolby, un grand concept pour Errance Rénaldienne. C'est un pas vers le futur. C'est une recherche fondamentale pour le confort visuel et aussi auditif de ma clientèle. Hey, tu leur fais attention. Ah, moi, je les michonne. Non, je bichonne. Je les nichonne. Je l'adore, les nichonner. Puis, ils aiment ça lorsque... Un petit coup de nichon dans le derrière, dans le devant, sur les côtés, sur les tempes, à l'arrière de l'oreille. Ah, c'est... Tu te sens comme japeux? Moi, je suis comme un japeux, moi. Ah, bon, regarde-moi ça, là. Ah, bon, mais je fais la belle, puis je fais le gentil, puis je fais le mort, surtout. Attention, on va faire le mort. Excusez-moi, j'aurais Madame Thibodeau, si vous voudriez tasser votre lit, là, il m'écoute, elle m'écoute, mademoiselle et monsieur, dans leur chambre à coucher. Dans leur chambre à coucher, c'est une horreur, mais c'est formidable, on vous aime, là, mais parce que là, ça me prend, je vais faire le mort, et puis il faudrait étaler, ben, étirer, pousser, étirer pas le lit, parce que il y a les voisins d'en bas à cette heure-là, là, c'est, les gens n'aiment pas ça, ils préfèrent la tranquillité, hein. Après minuit, on vous frappe. Hey, on veut du silence, là, c'est la nuit, on veut dormir. Ben, voyons donc, vous dormez 365 jours par année, même les années m'énervent. Vous m'énervez, vous, là, les bisextiles d'en bas. Ben oui, nous autres, on vit juste une fois par aux 4 ans. Ben, on le sait. On sait, c'est aujourd'hui. Puis là, en plus, à ce moment ici, c'est quoi, ce moment ici? À ce moment ici, c'est flatulence, madame Diel. Bon, ben voilà. Pensez-vous qu'on va se taire là, à ce moment crucial de notre existence? Oui. Ah non, alors il faut pousser le lit, là, parce qu'il va faire le mort, lui, là, puis il nous l'a dit, puis il décrochera pas comme un chien après son os, ok, c'est vrai, alors pousse le lit, ah ouais, Jean-Marc, Crito, Suzanne, tout pousse le lit, il y a bien du monde dans la chambre à coucher, ah, nous autres, on est par flouze. Plus qu'on est loose, plus on est par flouze. Et ça nous donne le blues. Quand le blues passe plus dans la porte, oui, mais espace plus d'importe. Le lit aussi, ça, il passe plus, lui. Là. Parce qu'on l'avait on avait tout défait les murs pour leur rentrer, puis on avait reconstruit après ça une façade. Hey, t'es malade, ça. Ça, c'est plus un lido, ça. Eh ben non, c'est. Ben oui, mais ça coulait en bas. Alors c'est rendu un lit sec. Eh, ben c'est pour ça que ça donne mal au dos. Ben oui. C'est comme le désert du tralala. Bon, tombe pas dans le désert, toi là. Non. Arrête, j'ai comme des visions globales d'une vie heureuse. Eh, monsieur. T'es halluciné. Pas à peu près, moi là. Alors là, hey, il va faire le mort. Va se faire là, ton mort. Ben, hey, attends, ça me tente, là. Premièrement, il faut se mettre dans condition. Les acteurs, les comédiens, comme vous dites, là, c'est pas des comédiens, c'est des comédiens. Ben oui, alors, c'est des comédiens. Le comédien, le Jean-Guérin, le Jean-Guérin. Vas-y, ah ouais, fais le mort. On y va, bon. Attention, Actors Studio, Al Pacino, Marlon Brando et tous les gurlots. Oh! Oh! Oh! Oh! Hey, ça, c'est un Oscar. C'est un Oscar. C'est un prix. Un prix pour. Un prix Guedoun. Non, on va te donner un prix Guedoun. Ah, oh, il y a tellement de Guedoun partout. Vous voyez, on n'a pas un prix Guedoun. Ah oui. Hey, on peut pas faire autre chose que l'applaudir. Bravo. Quelle prestation. Tu te donnes à ton public. Ben là, moyennant 25$, là, je me donne. Ben non, tu te vends pas, là. Ben oui, je me vends. T'es comme la prostituée. Ah, moi, je suis comme les filles sans jouer, moi. Ah, ça me fait plus rire, ces affaires-là, moi. Si les gars s'imaginent qu'une fille tient à la lèvre, ben y'en donne. C'est ce qu'elle tient, c'est pas à toi, c'est à ton 25$, c'est à ton 20$. La fille s'accroche à ton argent, pas à toi. Toi, t'es un bozo, le clown. T'es un gurlot, l'enchanteur. T'es un moins que rien. T'es un crotté. Puis elle voit en toi le désespéré, là. Les désespérés marchent le doigt dans le nez. Les désespérés se disent à quoi bon s'accorder à la vie futile, à la vie fragile. À la vie au point de l'abandonner. C'est bon. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance Rénaldienne. Bienvenue. Merci. À la douce, merci pour m'avoir amené un petit tuyau d'eau, parce qu'elle voyait que j'allais étouffer ma nanina, nami, nananina. C'est ma conjointe de fait. Au fait, le savais-tu, ma nanina? Moi, je sais tout, je regarde tout, et tu es mon toutou. Je suis ton toutou. Tout. Tout, je vous dirai tout sur les rires. Non, monsieur. Non, madame. Garde un peu de mystère autour de nous. Mystère! Est-ce que j'ai l'air d'avoir une gueule de mystère? Non. Quoique, tout le monde est mystérieux dans ce bas monde où ne surgit qu'une étincelle d'intelligence dans toute une vie. Hey, c'est fataliste! Fais attention, je fais très attention. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 26 novembre 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Ça va bien, vous? Passez un bon moment. Ben, maman d'occuper, moi, du bon moment. Puis, maman, te le dire, moi, si je passe un bon moment. Puis, sens-tu que je frétille de l'oreille, hein? Oui. Je pensais que t'avais des frissons. J'ai des frissons dans le fond de la molaire, moi, là, qui me retient pour te dire comment t'es... Comme un vendredi 26 novembre. Oh, mon Dieu. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. On pourra pas jamais faire 2 heures d'émission. On a déjà entamé, fais-toi-en pas, la belle demi-heure qui va s'échoir dans notre horloge biochronique. Biochronique. Savais-tu... Attends un peu, là. Savais-tu que dans la vie... Non, on le savait. Bon, OK, alors on va continuer. Allez, toi, tu sais tout, hein? Moi, je suis le docteur qui sait tout. Ah, c'est... le docteur qui sait tout. Oui. Je suis le... Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'écho molaire? Je suis un mois de novembre. Je suis le... Ça, mon Dieu, c'est le fond de chaudron, ça, là, là. Ça a collé dans le fond de la poêle. OK. C'est le docteur Guirito qui apporte... C'est le docteur Guirito qui a un remède à vous... Transmettre. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Hey, ça, ils ne l'aiment pas, celle-là. Là, on m'a dit, dis ça plus calmement, on comprend pas, d'accord. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un... Hey, on coule! Pars le bateau! On n'a plus de moteur! Non, c'est l'essence qui manque. Ah, c'est bon, on est parti. Alors donc, notre quotidien. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur Pierre Mikhalkov. Pierre Mikhalkov est un écrivain et scénariste. Il a collaboré à Rock and Folk ainsi qu'à de nombreuses revues imprimées et ou en ligne. Non, c'est pas et ou en ligne, c'est et en ligne. OK. Allô, êtes-vous en ligne, Mme Tremblay? Ben oui, je suis là depuis la semaine prochaine. Ah, oh, vous êtes là depuis la semaine prochaine? Alors, on vous rappellera la semaine passée. OK! Mais on est déjà passé la semaine prochaine. Mais voyons donc, si c'est passé, pourquoi c'est la prochaine? Ah, arrêtez, vous mêlez le petit boulot. Le petit boulot est mêlé. Oh, deux nœuds noués avec deux œufs bacon. Oh, malheureux. Est-ce que je pourrais avoir la petite saucisse épicée? Épicer pour quand? Épicer pour maintenant, s'il vous plaît. Ah, ben ça, c'est épicer pour maintenant. Veux-tu aller épicer maintenant? Non, épicer, c'est pas ça que je veux, moi, là. Épicer tout. Il est l'un des trois auteurs de la série documentaire de France 3, Nous nous sommes tant aimés. Il a publié une dizaine d'ouvrages, dont une biographie de Noir Désir, déjà réimprimée deux fois, et qui reparaîtra chez J'ai lu en 2011, c'est-à-dire dans quelques mois. Une biographie d'Alain Bachung, le dictionnaire raisonné du punk, un essai autour de Daniel mon beau, sont des mots qui me rend marteau. Tu me dis, qui es-tu, Daniel Dark? Qui est un chanteur, Daniel Dark, bien sûr. Et puis donc, c'est Daniel Dark, un roman noir, un recueil. Ça n'a rien à voir, le roman noir, là. Je sais que vous cherchez. Je ne cherche plus, j'ai trouvé. OK, mais le roman noir, ça n'a rien à voir avec Noir Désir, hein? Ben voyons, pour qui tu me prends? Une soucoupe volante identifiée. Oh! C'est moi, oui. Alors, dictionnaire raisonné du punk également, Daniel Dark, on l'a dit, rock'n'roll entre autres. Il a participé en tant que journaliste à un long métrage de Boris Bergman qui retrace la carrière d'Alain Bachung et qui est déjà paru depuis quelques jours, c'est-à-dire le 16 novembre 2010. Vous pouvez l'acheter n'importe où en ligne, en zone 2, donc il faut pouvoir le lire sur votre DVD, lecteur DVD, s'il est dézoné au Québec. Sinon, si vous êtes Québécois et vous le voulez, vous pouvez le regarder sur votre ordinateur. Il suffit d'aller chercher un petit logiciel. Écrivez-moi à renalquebec@commercial.com. Tout est légal là-dedans. Hein? La police, la sûreté municipale de Québec, j'aimerais que vous effaciez ce bordereau. Tout ce que je vais donner, c'est des adresses légales pour débrancher l'ordinateur et décoder le DVD 2. Eh bien, c'est gagné. Oui, c'est moi. Mais là, ça me paraît étrange, là, parce que tout ce que vous donnez, normalement, c'est illégal. Mais voyons donc. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Errance canadienne, c'est très légal. Aux yeux de la loi, mon cher monsieur, vous êtes aussi louche que Claude. Oh non, pas Claude Lelouch. Oui, monsieur, vous avez les yeux d'un entourloupeur. Oh, mon Dieu. C'est combien d'années de prison? Ah, oh, c'est au moins 2-3 heures. Oh, bon, je n'ai même pas le temps d'écrire un roman pour 2-3 heures. Quel méfait. Attention, monsieur la police. Oui, c'est moi. Monsieur le policier? Oui, gendarme. Oui, OK. Monsieur la loi. C'est moi la loi. Bon, monsieur la loi. J'aimerais savoir. Moi, là, j'aurais le goût là, de me retirer pour écrire un roman. Un roman de combien de pages? Ah, 300 pages. OK, 300 pages, c'est au moins, 9 mois. Oui, alors quel méfait dois-je faire pour être retiré du service sociétal pendant 9 mois? Ah, ben là. Si vous faites l'amour avec deux femmes... Ah ben voyons donc, deux femmes, c'est illégal. Ouais, mais ça, c'est 2 heures. Ah, 2 heures, il faut vraiment tenir 2 heures. Pas de... Mais non, c'est 2 heures d'amende en prison. Ah ben bon, le lunch est-il inclus? Il n'y a pas de lunch là-dedans. 2 heures, pas d'eau, pas de lunch. Vous êtes abandonné à vous-même avec 3-4 petits Hells Angels qui vont vous rattraper. Ils vont vous mettre du plomb dans la tête. Adieu donc. Okay, ensuite, pour 9 mois... moi, j'aimerais être une cellule seule. Oui, une cellule seule. Et, peut-être un petit sandwich chaud une fois par semaine. Un sandwich chaud. Peut-être qu'il va y avoir un livreur chaud qui va vous envoyer votre sandwich. Oh, mais mon doux. Ivre! Un livreur Yves! Ah, peut-être Yves ou Jean-Luc. Jean-Luc est un méchant Maurice, lui. Jean-Luc, il t'arrive avec ton lunch, là, dans la prison, hein, dans la soute. Oh, mon doux. La soute des prisonniers. Oh, ben, ça fait peur, hein? La soute des prisonniers. Puis là, il rentre, là, patao, il tombe par terre, puis le lunch est tout parti à terre en mille pièces. Toi, avec ta fourchette, tu dois manger avec la poussière, tout ce qui se trouve sur le sol, jonché sur le sol. Puis, lui, il aime bien ça se faire... c'est dégueulasse. Ah, ben là, dans le milieu, c'est normal. 9 mois, c'est quoi pour 9 mois, là, de... Ben là, 9 mois... Ben écoute, moi, je peux t'arranger quelque chose. Oh, tu es tellement gentil. 9 mois. 9 mois, pas plus. Ah, non. Est-ce que je peux avoir une prison seule? Vous voulez dire un casier? Ben, un casier judiciaire seul. Ah, ben, les casiers sont toujours seuls, hein? Photo seul, casier seul, vous êtes seul, et puis vous allez chanter. Je me sens très seul sans toi. Non, mais vous n'aurez pas le temps de chanter, vous voulez écrire? Ah, mais moi, je veux écrire. Je vais écrire l'histoire de Bambi. Oh, mon Dieu. Êtes-vous sûr que c'est pas l'histoire de ma vie? Non, de Bambi. Ah, pas Bambi, l'animal précaire. Ben oui. Mais la version 2010. Oh, Bambi est textu... C'est le seul animal qui reste sur Terre. Oh, belle histoire. Mais là, 9 mois, c'est quoi l'anomalie pour 9 mois? Ben là, si vous donnez votre adresse et vous remettez à un sergent-colonel policier... un site où on peut débarrer des DVD Zone 2 français, ben vous risquez d'avoir 9 mois de prison. Oh, merci, monsieur le policier, vous êtes vraiment très gentil. Il n'y a pas de quoi. Bon, merci, vous êtes monsieur... Bergeron. Oh, le policier Bergeron. Merci, monsieur Bergeron. Merci beaucoup. Hey, vous avez participé à l'errance canadienne. Êtes-vous content? Très content. Et vous? Ah, moi, quand les constables et toute la force constabulaire collaborent à mon petit propos, j'en suis flatté. Bonjour, la police. Bonjour, la police. Bonjour, la police. Bon, OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit que plein de choses que Pierre Mikhalov, je l'ai rencontré, nous avons eu beaucoup de plaisir à discuter. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un fil humaniste imagé entre vous et moi, un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui, alors place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement. Et laissons la zizik nous envahir avec Émilie Simon. Oui, Amélie. Je suis enterrée vivante. Émilie. Just

Non pas elle de Ben Cheese, mais Suzy tout nu. Tout nu. Elle n'est pas tout nu, elle est habillée. Ben oui. On habille toutes nos chanteuses, mais on déshabille toutes nos danseuses. Oh mon âme, mon ami. Alors c'était Caravane, Caravane Palace avec Suzy. Et puis mon ami Pierre Mikhailov, je sais pas ton, il veut pas rien, ça, il veut rien savoir de toi. Mais voyons Pierre. Mais non, c'est pas Pierre, mais c'est la voix de Pierre, la voix de Pierre. Tu as un cœur de Pierre, mon Pierre. Non, je n'ai qu'un cœur d'écrivain. Et ton écriture est si vilaine que je m'y suis baigné. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Sur la plus haute blanche, un rossignol. C'est ma nouvelle prothèse. Que Dieu me protège là-dessus pour pas qu'elle sorte de ma bouche. Un rossignol chanté. Il y a longtemps que je t'aime. Émilie Simon, jamais je te marierai. Jamais je la marierai, je l'aime trop. J'ai peur de me séparer d'elle. Sur la plus haute branche, un rigoleur sommeillait. Petit rigole. Toi qui es encore vivant, hein, il veut mettre fin à ma vie. Emmène-moi, toi que je viserai. C'est une blague. Tombe mon émotion. Pow! Terminé. Alors, c'était Émilie Simon. Imaginez-vous, parce que moi, je suis un travailleur de nuit. Ben voyons, tu es de nuit. Je suis de nuit. Moi, je suis de jour. Ben oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas se raccorder ensemble. Ah, ben, bon. Tout peut s'unir. Ah, c'est vrai. Le jour, la nuit, l'eau, le feu, le diable, le démon est au diable, le fameux dans le fini, vini, bon, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les bons, les Rita Biblo, Rita Biblo. Et puis, non, parce que je prépare la chute de Rita Biblo. Oh, je sais pas ce que tu veux dire. Non, je sais. Je peux pas vous dévoiler là. Comment ça? Ben, on peut pas vous le dévoiler ici maintenant, à cet instant précis. Mais moi, je suis un travailleur de nuit. Ben, finis ton histoire. Ben, c'est ça, je la continue, mon histoire. Et je reviens de chez moi, hein, donc après une nuit. Hein. T'es pas un prostitué, comment? T'es pas un Avez-vous une fuite? Oui, je suis une fuite. Hey, je suis une fuite. Je suis l'histoire d'une fuite. Non, es-tu un prostitué? Mais non. J'anime une émission le samedi. Ouais, non, pas le samedi, le vendredi. Je me sens comme dans l'ancien temps où j'étais le samedi, moi, là. De 16h à 18h. Maintenant, je suis quelque part dans le réseau sécaérélien. À quelle heure? Bon, obscur, c'est obscur, très obscur, obscur, obscur. Dis-moi qui est le plus obscur que de didudi, à didudi, didou, didididi, dame, didididi, dou. En tout cas, je reviens le matin. Ah, on connaît plus ton histoire, là. Ben oui. Je suis un travailleur de nuit. Ah oui, c'est vrai. Donc, je reviens du boulot, donc j'arrive vers chez moi le matin. Oui. Je reste en ville. Dans un réseau très urbain. Oui. Et là, vous me saisissez? Je saisis très bien ton discours. Continue, mon petit champion. On t'aime, on te suit, on est derrière toi. Hé, hey, attention, là, derrière moi, là. Non, mettez-vous en avant. Non, on est derrière. Non. Je continue pas si vous restez en arrière. OK, avancez, tout le monde, avancez. Bon, OK, tout le monde est en avant, personne en arrière. Bon, je préfère ça. Alors, donc, je vois au loin, ben au loin, 20 pieds. Ouais, ben en mètres. Tu vois, c'est pas 20 pieds en mètres, c'est quoi? C'est 20 pieds en mètres, c'est bien des mètres, là, bien des mètres. Un petit écureuil. Oh non, oui, un petit écureuil. Ah, oh, c'est beau. Mais il avait l'air extrêmement énervé, le petit écureuil. Comment ça? Ben, je sais pas. Un petit écureuil en urbain, c'est plus stressant. C'est stressé. Puis là, il l'a vu. Il m'a vu. OK. Et moi, je l'ai vu. Ah, oh, fait que vous vous êtes vu. Ah, c'est tel l'amour. Non. Il m'a vu, je l'ai vu. Il était plus excité que lorsqu'il ne m'avait pas vu. Ouais. Et il s'est mis à traverser la rue. Je me suis dit, va-t-il m'attaquer, ce maudit petit écureuil? Te faire attaquer par un écureuil. Ben, pourquoi pas? Hey, on se fait attaquer par la police. Pourquoi pas les écureuils? Ah, ben, c'est vrai. Mais ils sont pas armés, les écureuils. Hey, monsieur Lidan, ça s'est armé. En plus, moi, je suis un gars, hein. Le gland, il se garoche vers le gland. Ah, si, t'as entièrement raison. Alors, donc, moi, j'ai pas pris ni une ni deux. Hein. J'ai pas glané de rue en rue. Je me suis dirigé vers chez moi. Et là, je me suis dit, je suis sûr que cet écureuil-là. Oui. Il vient de saisir toute l'œuvre de M. Antonin Artaud. Oh mon Dieu, c'est vrai, ça rend fou, hein? Ça rend fou. Oh mon Dieu. Eh, le théâtre et son bouble, et puis le théâtre et la cruauté, et puis à quoi bon faire cette émission aussi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est des titres d'Antonin Artaud. Toutes ses œuvres, l'éther et le diable. Le diable est dans l'éther, et puis enterrer le diable, et puis on s'en foutu du diable, là, autant que du bon. À quoi bon? Excusez-moi, là, bon. Hey, il existe, qui ça? Les rares Rénaldiens, ben j'espère. Ça sent la fin, hein? Non. Ah oui, j'ai faim, effectivement, ça sent la faim. Moi, je vais vous prendre, monsieur. Vous venez pour nous. Ben là, écoutez, monsieur Rénal Grenier. Non, Gagné. Ben, on venait pas pour ça, mais nous sommes dans votre sommeil profond. Ouais, mais c'est pour ça l'écho. Ben oui, c'est l'écho de votre subconscient. Non, c'est l'inconscient. Anciennement, on appelait ça le subconscient. Ben oui, mais là, aujourd'hui, on a évolué. Il y a eu la psychanalyse. Il y a eu Sigmund Freud. Sigmund Freud! Ah, mon Dieu, le caca psycholo. Ben, c'est ça, le caca psycholo. Et il y a eu aussi plein de gens. Comme l'autre, là, l'effet miroir, qui est le plus laid? Ben, c'est toi, mon champion, non, le... Comment qu'il s'appelle, donc, j'ai un blanc? Je le sais, mais là, c'est pas la normalité, là. Attends-moi, vous avez le temps, hein? Bon, on va arrêter l'émission 30 secondes, puis ça va revenir. L'homme et son double, le double est dans les feuilles, attends un petit peu, l'homme et son double, c'est... Ben, c'est parce que je veux le dire que je ne peux pas le dire. J'ai le cerveau noué. Oh, ben, noué à souhait. Non, mais c'est parce que lorsque je fais de l'improvisation, je ne vais pas me souvenir de rien. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez comme lunch? Ah, comme nourriture, comme ça, oui. Alors, on vous prépare. Ben, premièrement, J'essaie de me souvenir. Ben, de quoi? Ben, de son nom. Ah, sainte. Faudrait que je demande à mon ancienne copine. Ah, c'est qui votre copine? Ben, mon ancienne copine, mon amoureuse, là. C'est ma vie privée, là. Puis, attendez, donc, je le vois, en plus, l'insignifiant. Donc, il est là avec ses grandes dames. Jacques Brel! Non, c'est pas Jacques Brel. Le double, le théâtre et son don, c'est pas lui sans retour, messieurs dental. Je me regarde actuellement, là, sans doute, là, sur mon vidéo, et je me dis, moi, je le sais, moi, que c'est lui, là, ben, bravo, deux morceaux de robot, mais écoutez, peut-être que pendant l'heure qui suit, il me suivra en avant, pas derrière, en avant, et je vous le dirai. Alors oui, comme nourriture, je vous prendrai, madame... Non, c'est monsieur. Monsieur. Une soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon. Ah, mon doux. Gratinée. C'est extrêmement gratiné. Double fromage. Double fromage. Trois fromages. Ah, on vous amène ça, monsieur. Excusez-moi. Oui. Avec une petite bière. Une quoi? Une bière. Une bière. Une bière à swear. Oh, une blonde. Oh. Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'elle soit petite ou grande, pas opérée, hein, je veux qu'elle soit aux ailes, qu'elle soit petite ou grande, feu, j'irai ou frigé, j'ai mais avez-vous déjà pris votre bière? Non. Juliette, je vais la recommencer. Non, on n'a pas le besoin. Ah oui. Juliette, Françoise ou Simone, quel que soit le nom qu'on lui donne, qu'elle soit petite ou grande, cheveux raides ou frisés, j'ai tout envie de les embrasser. Alors donc, à quoi bon faire cette émission? À quoi bon? Ma soupe à l'oignon arrive-t-elle? Attendez, on n'a même pas commandé encore. OK, d'accord. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré? Expirer, d'une citation de Virginia Woolf. Alors donc, l'effet miroir, c'est de... Je m'en souviens plus. Je crois qu'on va arrêter l'émission ici. Drella, voyons donc, toi, lâche pas, il reste encore une heure et quelques minutes. Ah, bon, tout. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné, qui télécharge mes émissions, la gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Oh! Alors maintenant, voici la place à l'improvisation. Oui, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Donc, on y va. Est-ce qu'on peut fermer l'antre? Voilà, on a fermé l'antre. On peut plus sortir, on est entré. Oui, c'est voilà, c'est ça. Qui a dit ça, là? On est fait miroir, c'est de... Je le vois. C'est pas... Béchard, Tichon, Nylon, Richard, Noir. Pierre Richard. Ben non, c'est un humoriste. Début, c'est « J'ai été assis dans un bar de Western Avenue ». Comme d'habitude, je reste toujours collé dans un bar de Western Avenue parce que c'est la meilleure place pour voir arriver les nanas. Les nanas arésiens qui viennent me réclamer la bonne nouvelle et surtout me suggérer des phrases philosophiques parce que moi, vous savez que j'aime bien et je châtie bien, mais surtout... Qu'est-ce que tu l'as? Non, mais j'aime bien en savoir davantage sur tout ce qui est nouveau au niveau de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie. Et comme disait un certain, c'est l'effet miroir, là. Mais lâche l'effet miroir, qui dira le plus beau? Tu l'auras pas, là. C'est Lacan. Fiche Lacan, mon Lacan. Mon table, c'est Lacan. La cantu la chanson? La cantu ta chanson? La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. La cantu ta chanson? L'oiseau le fait pit pit, l'enfant le fait. l'enfant le fait aussi, mon papa. La cantu ta chanson? N'aie pas peur, vas-y, chacun sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle, la quand tu t'entendras ce soir. Noyant ma peine et mon désespoir, la quand des larmes et je vois partout. Lacan des chansons, quelquefois, Lacan des larmes dans le vent, c'est l'aube du soir, sortez vos mouchoirs, noyant ma peine et mon désespoir. Je chantais dans le bar, puis là, hey, la barmaid me dit, hey, mon beau brun, oui, mon beau brun, oui, mon beau brun, oui, t'en veux-tu une autre? Ah, s'il vous plaît, une autre sur la fesse gauche. Oh! Est-ce que c'est Lacan? Oui, c'est le temps. Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, le temps d'une chanson, et moi je t'aime. Rame donc le tour du monde, le tour du monde. Rame donc le tour du monde, nous ferons. On est parti tôt ce matin, le vent du large caresse nos mains. Plus de soucis, loin des rivages. Il n'y a que rêves et lendemains. Rame, rame, rame donc le tour du monde, le tour du monde. Rame, rame, rame donc le tour du monde, nous ferons le tour du monde. Sourire aux lèvres, le cœur léger, fini le temps de s'attarder. Suivons l'aile du goéland dans son élan de liberté. Rame, rame, rame donc le tour du monde, le tour du monde. Rame, rame, rame donc le tour du monde, nous ferons. Il est trop tard pour retourner, j'entends déjà chanter les fées. Sur l'arc-en-ciel on est monté vers l'océan de l'éternité. Rame, rame donc le tour du monde, le tour du monde. Rame, rame, rame donc le tour du monde, nous ferons. Nous le ferons ensemble, oui. Rame, rame, rame donc le tour du monde, le tour du monde. Rame, rame, rame donc. Allez, tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Ah ouais, non, Rita, Rita, je suis pas capable. C'est pas ça, ça n'existait pas. Les frères Pétard et les bronzés, c'est... les bronzés ont... Voilà, alors ça c'est super important aussi, le Splendide, ils amènent quelque chose dans l'humour, au cinéma, c'est voilà. Pas les années 80, ça. Si, le Splendide, ça explose dans les années 80. Okay. Renault aussi, ouais. Marche à l'ombre, ça c'est les années 80. C'est Marche à l'ombre, c'est les années 80. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu dis, là je parle de ça et je parlerai pas de ça, puis là à un moment donné c'est édité, j'ai oublié cet auteur. Alors ça, la liste. Sur le bois, t'en parleras pas. C'est, tu te l'associes aux années 80, toi? Moi j'ai. 70, j'ai pas. 80. Bah ouais, non, c'est Lindbergh, Lindbergh, tout ça, ouais. Lindbergh, c'est... Ça, c'est. Moi j'adore, mais c'est okay, avant. C'est juste pour ta réaction, ouais. Il y allait avoir un Québécois là-dedans. Mais j'adore. Okay. Mais il n'y aura pas de Québécois. C'est... Pourquoi c'est qui les Québécois pour toi importants des années? Parce qu'il y a plein de Belges, il y a plein de Belges. Mais oui. C'est vrai que. Bah là, les Québécois importants. Tu peux pas mettre Plastique Bertrand, c'est les années 70, Plastique Bertrand. Ouais, par exemple, s'il y a des films importants au Québec. Ah oui, des années 80, ben oui. Ouais. Ben oui, il y a des films de Jules Carr, il y a des... Ouais, ça c'est, ouais, c'est vrai. Ah oui. Écoute, on peut même voir Pierre Perrault, l'univers de Pierre Perrault. Il y a... Ça, faut que je le marque, ça, ouais. Être dans les chanteurs et chanteuses, écoute... Est-ce que tu as un stylo? Oui. Merci. Il y a des gens qui ont été des étoiles filantes, un peu comme... Il y a le déclin de l'Empire américain, c'est 80, ça? Ben là, toi, est-ce que tu parles de 80 à 89? Ouais, c'est 80. Ah oui, c'est le déclin de l'Empire américain, oui, c'est Denis Arcand. Ça, c'est super important, ça. Oui, c'est Denis Arcand qui s'est présenté à Cannes. Tu disais qui d'autre aussi? Ah ben là, j'ai dit plein de choses. En réalisateur, tu avais dit deux autres noms? Ah oui, tu y revois. Mais il y a Pierre Perrault, c'est plutôt les années 70. Non, oublie ça. Après ça, ben il y a eu Gilles Carle. Gilles Carle. Est-ce que tu connais Gilles Carle? Non. Carole Laure. D'accord. Mais Carole Laure, tu connais? Bah oui, bien sûr. Ça a été la muse de Gilles Carle. D'accord. Et quand j'ai rencontré... C'est vrai que Carole Laure, maintenant, elle vit en France. Alors, je l'associe un peu à une Française, mais elle vit en France. Hein. Oui, ben, c'est parce que sa fille habite en France. Elle fait de la danse... comment tu appelles ça, de la danse contemporaine? Contemporaine, oui, j'adore. Et je discutais avec comment il s'appelle, le guitariste Péchin, hier. Et il me disait qu'il a fait une... dans les années 90, il s'est promené avec l'or un peu partout, au Canada, au Québec, et puis en France, pendant 2 ans et demi en tournée. Donc, Carole Laure, c'est quand même une figure emblématique des années 70-80. Ouais, 80. Et il y a Louis Forêt qui a joué à Paris, là, il n'y a pas longtemps. Oh, attention, vas-y. Kiss me. As you love me, prends un coca. Prends un coca. Et assieds-toi. Assieds, s'il vous plaît. Assieds, couchez. Kiss me. As you love me. Couchez, bébé. Ferme les yeux. Oh. Écoute-moi, je sais quoi dire. Ce soir, si tu le veux. J'aimerais moi aussi te retenir, mais en anglais. Attache-le. Comment le dire? Attention. Il y avait un drapeau américain sur son sac déchiré, un blue jeans qui ne valait plus rien. Je l'aimais bien. Oh oui. Kiss me. As you love me. As you love me. Ta cigarette. Oh, me gêne un peu. M'énerve un peu. Oh oui, beaucoup. Arrête. Écrase. Kiss me. As you love me. As you love me. Tu sais, la vie. La vie. N'est pas un jeu. Non, c'est vrai. C'est sérieux. Demain. Au petit jour. Nous resterons. Oh. Un collier rouge et bleu sur ses seins nus, un foulard en bannière. On voyait un anneau sur ses pieds nus, prêt à faire le tour de la terre. Kiss me, baby. As you love me. Ne t'en va pas. Souris un peu. Elle est sûre, hein? Kiss me. Elle est sur moi. As you love me. Dis-moi goodbye. Mais pas adieu. Il y avait un drapeau américain sur son sac déchiré. Oh, drapeau américain. Un blue jean. Mais je crois que je l'aimais bien. Un collier rouge et bleu sur ses seins nus. Kiss me in French. Un foulard. Oh, a French kiss. Qu'est-ce que c'est, un French kiss, hein? CKRL, cultive tes goûts.